Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir Freddy. Bonsoir Romain, comment ça va? Eh bien, ça va et toi? Bon, I'm pretty good. Yeah? Are you just the two of us today? Yes, it is indeed. So, congratulations to Chloe for the 2 weeks ago poem. Oh, That was really yes, nice. thank you. Yeah? Oh, she loves doing that. Does she? Yeah. You know, that's amazing how much you realize that what you learn when you were a kid, how long it lasts in your brain. And I still sometimes, Impact. I don't feel like listening to the radio when I drive or, and I try to remember some of the poems that I learned when I was a teenager. Oh. And, like Verlaine, Après 3 ans, or Mon rêve familier, etc., etc. Well, I like to that's do good. that. I don't remember most of them, but But you I remember thought it was great. songs? I remember some of the songs, yeah, Yeah. especially the ones when I was a kid. The Daniel Balavoine, for example, is the ones that I remember the most. Yeah. A little bit of, I'd say Polnareff has had a big Yeah. impact too, but yeah. So tonight is going to be a special night. So because 2 weeks ago we did Christmas, last week we did a theme of like a party. And for the upcoming weeks, and I'm not sure exactly how many weeks it's going to take, and unless Most we have likely something. two. Yeah, very likely. But so this week we're going to do a special 2020 recap as regard to music that came out, the So new the best albums. singles and albums. So could be songs that became very popular in 2020, even though they were from 2019 albums. And we're also going to play songs from albums released in 2020. Right. And there And were a this, lot. yeah, there were a lot of new ones, a lot of people that came back too with new albums that Yes. people, artists that were already famous. I'm Yeah. thinking, well, there was a new one from Jean-Louis Murat, from Kali, from Louis Chédid, Jeanne Mas, for example, Yes. that we hadn't But heard for a doesn't long Jean-Louis time. Murat release an album a year? Yeah, Jean-Louis Murat was, it was pretty frequent. But I think also what happened is because of the lockdown, some artists who may not have had time, because of tours to Right. work on new materials, well, they Right. could because tours unfortunately were canceled or postponed. So they were stuck at home. Gotcha. And quite a few of them actually released albums, even though they were not planning on releasing those albums. Or, and that's a trend that I've noticed in the past, couple of years, the artists release augmented versions of albums released before. So, like Benjamin Biolay released Grand Prix, well, that was this year, but like a month ago, there was the Grand Prix Deluxe edition. So it's the same, but with an extra like five titles. Yes. I thought when I was younger, I mean, like before I left, that when some artists were doing that, I thought it was a ripoff in Well, some it kind of cases. still is. Because I don't remember which artist, I think it was The Corrs or whatever. I really like them. And so I'm getting first in line to buy their album. And 6 months later, they come out with some songs that you can't get separately unless you get the new deluxe. You know what I mean? And so, I mean, it's different these days because you can go to Yeah, and buy the songs buy individually. the songs Yes. individually, like the electronic songs. So it's not as bad as like when you have to rebuy the whole CD. But it's I thought it was a bit of a ripoff at the time, but just my opinion. So yeah, this week will be mostly about new music and the charts and things like that. And next week we're gonna dedicate the show to people who passed Passed away this away year. Yeah. in 2020, Yeah. including a few days ago, Claude Bolling passed away. Yes. We actually shared the obit on our Facebook page. But Claude Bolling was a composer and jazz conductor with like big band, and one of his most popular and famous tunes was the soundtrack, the theme from Borsalino, one of the only movies with Belmondo and Delon in the same film. That's true. And we're going to play the theme from Borsalino next week. Okay. Awesome. Yeah. So shall we start? Yeah, let's go. All right. Eh bien, c'est parti, mon kiki. On y va. So we are going to listen to Aya Nakamura with Jolie Nana, Pretty Girl. Francis Cabrel with Te Ressembler, Looking Like You. Indochine with Troisième Sexe, Third Sex. Featuring Christine and the Queens. Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Ah, oh yeah, yeah. Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître. T'es rempli de charabia, tu ne sauras plus rien d'une moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la. Mais qui va se négliger, je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie. Vive, même toi j'aurai tout à payer. Je dis oui, oui, jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Les pipos, oh yeah. C'est bon. C'est bon, tu peux déposer ton CV par mail. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie. Vive, vive, bientôt j'aurai tout à pêcher. Oui, oui, jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Les pipos, oh yeah. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première. T'as bien Kuma, mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, lol. Mais à qui tu vas la faire? Moi j'ai le mental, ouais à qui tu vas la faire? Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais j'ai le mental, à qui tu vas la faire? À qui tu vas la faire? Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Les pipos, oh yeah. Du bête, bête, bête. J'suis tombée la première. Merde, merde. Ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. J'suis tombée la première. Merde. Jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. Toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village, le soir de jardin à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent, ça je le sais bien, j'étais là. Ça en prenait du courage pour se lever à ces heures-là, bien avant le jour, et partir dans le pâle éclairage, à main nue sur le guidon froid. Et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, j'étais là. J'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Un jour, j'ai croisé une guitare, j'ai vécu comme on s'amuse. T'avais les pieds sur terre, et j'étais tout le contraire. Pas dit je t'aime, on s'est pas serré dans les bras. Concernant l'amour, il fallait tout deviner nous-mêmes. On nous laissait grandir comme ça. Et tu vois, on a grandi quand même. Je le sais bien, j'étais là. D'avoir eu tant de chance, quelquefois je me sens fautif. Je regarde autour, ma maison est immense et mon jardin décoratif. Et je sais que depuis ton lointain au-delà, t'as gardé un œil sur moi. J'aurais voulu te ressembler, je le jure. Mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Un jour, j'ai croisé une guitare, j'ai vécu comme on s'amuse. T'avais les pieds sur terre, et j'étais tout le contraire. Jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. Qui pourrait dire non? Cheveux d'or qui oublient leur vertu. Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles? Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île? J'ai pas envie de la voir nue. Envie de la voir nue. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Et on se prend la main. Comme ma fiancée, pour les filles sans contrefaçon, maquillée comme ma fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour Listen to Aya Nakamura with Jolie Nana, Francis Cabrel with Te Ressembler, and Indochine with Troisième Sexe, featuring Christine and the Queen. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Hi, let me tell you about a fresh air favorite called Reprogram with DJ Joe Yolo. It's an exciting exploration of electronic music. Every Thursday from 4 o'clock to 6 o'clock a.m. and archived on computers at kfai.org. Come on, let's jam. You know you gotta get with the program. Reprogram. So, next we're going to listen to Vita and Slimane with Pas Beau, Not Beautiful, Les Têtes Raides, Ginette, Les Enfoirés de 2020, À Côté de Toi, Next to You. Y a ceux qui n'ont jamais d'efforts à faire. Depuis petite, elles ont tout pour plaire. Loin de chez moi, le train est passé. Depuis gamine, un vrai garçon manquait. Fais pas si, fais comme elle. T'es jolie, t'as du potentiel. T'es gentille, je suis formelle. Y'a rien à faire, je me sens pas belle. Je me sens pas belle. Qu'est-ce que t'es belle? Je me sens pas beau. Mais qu'est-ce que t'es beau? Comme si j'étais de trop. J'en valais pas la peine. Je suis pas comme il faut. Loin du modèle. Pas beau, pas beau. Qui fait l'affaire, trop souvent j'ai voulu quitter l'affaire. La silhouette dans le miroir, je vais me la faire. Je me dégoûte, je me dis à quoi ça sert. Faut être fort, faut être grand. Petit gros disaient les autres enfants. Je suis pas fort, je suis pas grand. Petit gros, je me le dis souvent. Je me sens pas beau. Qu'est-ce que t'es beau? Je me sens pas belle. Qu'est-ce que t'es belle? Comme si j'étais de trop. J'en valais pas la peine. Je suis pas comme il faut. Loin du modèle. Pas beau, pas beau. Pas beau, pas beau. Pas beau, pas beau. Pas comme il faut. Pas beau, pas beau. Plus ça va, plus j'y pense. Plus je me sens incompris. C'est comme une évidence à la vie. J'ai tenu la distance. J'en ai payé le prix. J'ai perdu confiance, mon ami. Pas beau, pas beau. Pas beau, pas beau. Pas beau, pas beau. Pas comme il faut. Pas beau, pas beau. Pas beau, pas beau. mais la mer s'avance pas. Et nous on crève à rester là. Et le funambule, beau qu'il est, marchant sur son fil. Et Charlie disait l'albatros, il est mort à marcher sur la terre. Mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs. Et les supermarchés, pour nous donner l'air de ne pas rien faire et pour manger. On va s'aimer encore, là pendant des années. J'étais là moi, monsieur. Et puis il y avait Ginette, qui va sans guinguette, qui a toujours un verre d'avance. Des fois qu'on ferme la dernière porte, c'est pour rêver, faire la fête. Il y a les musiciens sur les tréteaux. Tôt ou tard, ça va s'écrouler, mais leur histoire, leur histoire, on s'en fout, on s'en fout. Oh! Et à Ginette, qui continue à tourner. Allez, Ginette, allez, la belle. Allez, la belle. Allez, Ginette. Ginette. Restez là. Sans la nuit, sans la nuit, pas le matin. Sans la pluie, sans la pluie, sans la pluie, pas de beau jour. Tu me dis, tu me dis, tu me dis, c'est un peu loin. Mais je dis, pas si on court. Tu me tiens la main, eh bah ouais, tu me tiens la main. Si tu me tiens la main, eh bah ouais, tu me tiens la main. Moi, je le temps, sans le temps, pas de victoire. Sans le vent, sans le vent, sans le vent, aucun espoir. Tu me dis, tu me dis, tu me dis, ça sent la fin. Mais je dis, on verra demain. Car si tu me tiens la main, et bye bye, ouais, tu me tiens la main. Si tu me tiens la main, et bye bye, ouais, tu me tiens la main. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi. Je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi. Même s'aimer, même si la terre se fait la belle, même si les hommes sont fêlés, la vie est belle, la vie est belle. Alors on pourra même s'aimer, même si la terre se fait la belle, même si les hommes sont fêlés, la vie est belle, ouais. Moi, je veux rester là, à côté de toi. À côté de toi, juste à côté de toi, moi. Je veux rester là, à côté de toi. À côté de toi, juste à côté de toi, moi. Je veux rester là, à côté de toi. À côté de toi, juste à côté de toi, moi. Je veux rester là, à côté de toi. Juste à côté de toi, juste à côté de toi, moi. Je veux rester là, à côté de toi, juste à côté de toi, moi. Je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. So we listen to Vita and Slimane with Pabo, Les Têtes Raides avec Ginette, and Les Enfoirés 2020 with À Côté de Toi. Hello, bonjour, this is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. So now we are going to listen to Benjamin Biolay with Grand Prix, Big Prize. Suzanne, Quatre coins du globe, Four parts of the world, of the globe. And Johnny Hallyday, Deux sortes d'hommes, Two types of men. Thank you. la grue, puis après tout oublier. Si j'ai jamais conduit, ta mère Ferrari. J'ai raté maman de ma vie, même si j'ai jamais conduit ta mère Ferrari. Ni fini le grand prix. J'étais qu'un petit français qui rêve sa vie. Aux quatre coins du globe, j'irai boire la tasse. En attendant, je voyage sur Google Maps. En un clic, je suis aux Bahamas. Un jour, j'irai de Tokyo à Capri, faire du yoga à Bali, voir Marie-Jeanne en Californie. Un jour, j'irai de Cuba à Cali, faire une fête en Italie, voir les girafes en Namibie. Soleil, nos filters, les blogueuses voyages ont pris des couleurs. C'est l'heure où plus personne regarde l'heure, même les réacs ont lâché Twitter. Y'a des pubs idylliques à gogo, couple amoureux teint à les noix de coco. L'influenceur version abdo maillot se promène sur la plage pendant que je suis dans le métro. Un jour j'irai en première classe aux quatre coins du club, j'irai boire la tasse. En attendant je voyage sur Google Maps, en un clic je suis aux Bahamas. Un jour j'irai de Tokyo à Capri, faire du yoga. Toutes les langues dire hello. Chercher l'Eldorado. De Toulouse à Bamako. Je voudrais partir en solo. De Buenos Aires à Rio. Jet lag dans la peau. De Katmandou à Oslo. Je voudrais parler en VO. Dans toutes les langues dire hello. Chercher l'Eldorado. De Toulouse à Bamako. Je voudrais partir en solo. De Buenos Aires à Rio. J'irai de Tokyo à Capri, faire du yoga à Bali, voir Marie-Jeanne en Californie. Un jour j'irai de Cuba à Cali, faire une fête en Italie, voir les girafes en Namibie. Mmh. Je ne parle pas de ceux qui s'en sortent, de ceux qui ne cherchent que le plaisir. Je ne parle pas de ceux qui s'emportent, qui voient l'amour où il y a du désir. Je parle des grands brûlés du cœur, les carbonisés pour toujours, les écartelés de l'intérieur, dont les plaies ne se fermeront jamais. Il y a deux sortes d'hommes au fond, tous ceux qui ont aimé et ceux qui aimeront. Il y a deux sortes d'hommes au fond, et ceux à qui je pense, ils se reconnaîtront. Se taire un peu à gare, perdu entre l'effroi et l'orgueil, on ne trouve que chez eux qu'ils s'égarent. Moi je parle de moi surtout, moi qui t'aimais comme un dément, et qui ressort un peu plus fou, plus riche sûrement, mais pas vivant. Il y a deux sortes d'hommes au fond, tous ceux qui ont aimé et ceux qui aimeront. Il y a deux sortes d'hommes au fond, et ceux à qui je pense, ils se reconnaîtront. Listen to Benjamin Biolay with Grand Prix, Suzanne with Quatre Coins du Globe, and Johnny Hallyday with Deux Sortes d'Hommes. We'll have the charcuterie board, the artichoke dip, the deep-fried beans, and, oh, the KFAI. I'm sorry, but we don't have any KFAI on our menu. I thought you said KFAI was an app now. I said KFAI has an app. You can download it at your favorite app store. Oh. Be sure to get extra napkins and wear a mask. So now we are going to listen to Sébastien Tellier with A Ballet, Amir with On Verra Bien, We Will See, and Gambi featuring Eus L'Enfoiré, Dans l'Espace, In Space. Grace, he got your rainbow. Empty face, seek for the grace. She's looking at you. I should glide great times. Here I go. Of grace. of grace. J'aimerais ton avis, dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie. On peut tout entendre, on peut tout subir, on est fait ainsi. Si c'est difficile, ça nous fortifie, on peut s'en servir. Ça doit être le ciel qui nous fait un signe. Si l'on rit, parfois jusqu'aux larmes, c'est que bien souvent, le bien se trouve dans le malheur. Si on hésite, c'est qu'on a le choix. Je suis certain qu'on n'est sûr de rien. On verra bien, on verra le bien. Le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Le cœur est magique, il recoue ses blessures au fil doré. Cherche la lueur et insiste, t'es encore plus beau rafistolé. T'as l'impression qu'il t'affronte, rassure-toi ses plans sont parfaits. Je vois la vie comme un conte, où jamais le méchant peut triompher. C'est qu'un mauvais quart d'heure, au pire un quart d'année. Ou un quart de vie, peu importe, c'est bientôt terminé. La lumière est là, ferme les yeux pour mieux la voir. On verra bien, on verra le bien. Le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. On verra bien, on verra le bien. Le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra. pas ce que l'on devient. Chaque fin, on verra bien, on verra demain. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Ça dit quoi le sang au spectaculaire? À quelle heure? Je suis dans le 12ème, je fais partir des 12. Boss comme un boss, boss comme un boss. Je suis avec la poisse, pousse, fais la passe. J'ai des tic-tac, j'arrive en tac-tac. Hier j'étais dans le bus, pourtant j'ai grave du buzz. J'attends ma SACEM pour l'instant, les soucis. Elle veut que tu sais depuis la salsa. Ouh, ma wife, d'autres clopes en terre de salade. Sur Paname, je me balade. Je me resserre, je pense à toi. Clope en terre de salade. Sur Paname, je me balade. Je me resserre et je pense à toi. Je suis dans le bac, t'en fais un à quoi. Je suis pompette et j'en pense à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. Et après, tu me resserres à moi. Et après, je te resserre à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. La gueule de est ramenée sous bonne escorte. Elle est bonne et forte, ouais. T'as ma parole d'escroc. Reste l'enfoiré, Carlos Gambi au micro. Je vais tout baiser comme les événements de récemment. Chef d'établissement dans l'appartement. On connaît le maniement de l'armement. Manuellement, automatiquement. Probablement PDG du bâtiment. Oh ma wife, deux trois clopes, un tas de salade. Sur Paname, je me balade. Je me resserre et je pense à toi. Oh ma wife, deux trois clopes, un tas de salade. Je balade, me resserre et je pense à toi. Je suis dans le bat, on fait un à quoi. Je suis pompette et j'en pense à toi. Là je suis dans l'espace. Là je suis dans l'espace. Et après tu me resserres à moi. Et après je te resserre à toi. Là je suis dans l'espace. Là je suis dans l'espace. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. Je suis dans le bat, t'en fais un à quoi. Je suis pompette et j'en pense à toi. Là je suis dans l'espace. Là je suis dans l'espace. Et après tu me resserres à moi. Et après je te resserre à toi. Là je suis dans l'espace. Là je suis dans l'espace. Habibi, j'pense à toi toute l'année. So we listen to Sébastien Tellier with A Ballet, Amir with On Verra Bien, and Gambi featuring Us L'Enfoiré with Dans l'Espace. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now we're going to listen to Julien Doré with La Fièvre, Fever, Vita and Slimane with Ça va, ça vient, It Comes and Goes, and Suzanne with Il est où le SAV? Where's the Help? Il s'est déplacé. Quelques vertèbres. veux plus écrire les peines que le féminin m'a fait. Dites à Jackie et Michel de venir me chercher. Moi je veux faire comme tout le monde, je veux juste un peu douter. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais si les bons qu'à des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Où était l'ostéo caché dans son dos, attendant la fièvre? L'enfer, c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler, ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Où était l'ostéo caché dans son dos, attendant la fièvre? Mais le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Où était l'ostéo caché dans son dos, attendant la fièvre? On n'est pas bien là, en vrai, qu'est-ce qu'on est bien? On n'est vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Sur ce même cactus, depuis y'a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive, dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète, et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète, et ça tout le monde savait. Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. Des glaces en février, y'a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète et ça tout le monde savait. La planète à la tête dans ce chauffeur. Je me dis parfois de façon il est trop tard. Nous sommes nous face à l'euro, le dollar. Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mais le numéro est dévié sur ma ligne. On a cassé la planète, il est où le SAV? We just listened to Julien Doré with La Fièvre, Vita et Slimane with Ça va, ça vient, and Suzanne with Il est où le SAV. The internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Now we are going to listen to Grand Corps Malade with Mesdames, Ladies. Benjamin Biolay with Comment est ta peine? How is your pain? And Vianney with N'attendons pas. Let's not wait. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la gente masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, J'applaudis aussi dès demain quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce, sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. La mienne s'en vient, s'en va. parler de nos amis. Comment est ta peine? Est-ce qu'elle te susurre de voler de nuit? Comment va ta vie? Comment va ta vie? La mienne comme ça, comme ça. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Faudrait qu'on m'apprenne à vivre avec ça. Comment est ma peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain. C'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain. Je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Il n'est jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. So, we listened to Grand Corps Malade with Mesdames, Benjamin Biolay with Comment est ta peine, and Vianney with N'attendons pas. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m., 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. We are going to listen to Grand Corps Malade with Derrière le Brouillard, Behind the Fog, Julien Doré with Nous, Us, and Hugo Frey with his great-granddaughter, because he is 91 years old, Sur les péniches de l'Erie Canal. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. Y'a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y'a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y'a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y'a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner cet humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole? Quand la vie te punit, la musique te console. À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration? Et à quel moment on en fait une chanson? Si je me sens comme une enfant, j'ai déjà eu plusieurs vies. Je peux regarder devant en chantant ce qu'on m'a pris. Moi aussi j'ai connu une sorte de brouillard, et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire, et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. Thank you. nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'ego, et quelques langues à défaire, pour les revoir se plaire. Nous, nous, nous, nous on s'en fout. Jamais une mule plus belle qu'elle. Des yeux sur les canins. Un méchant gars pour un gros mot a eu son lot d'un coup de sabot qui l'envoya via illico à l'hôpital de Buffalo. La tête, le riche passé, le père enlève la tête. Entre voisins et sa façon, entre filles et garçons, c'est un carnaval sur les péniches de l'île canal. So we just listened to Grand Corps Malade with Derrière le brouillard, Julien Doré, Nous, and Hugues Auffray with Sur les péniches de l'île canal. Undead Stream is KFAI's new all-metal channel. If you like Root of All Evil and Roar of the Underground, you'll love Undead Stream. It's metal, metal, and more metal. There's more metal than a metal worker in a metal foundry eating metal ingots for breakfast. There's more headbanging than a busload of bobbleheads learning to drive a stick. Download the KFAI app, click on the Undead Stream, and break out your air guitar. KFAI's Undead Stream, your headbanging headquarters. Next, you're going to listen to Vianney with Beau Papa, Stepdad, Aya Nakamura featuring Stormzy, Plus Jamais, Never Ever, and Calogero with La Rumeur, The Rumor. J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant. J'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles. Des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité. Dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai. Sans le même sang, on s'aimera. On s'aimera. J'avais pas prévu d'un jour adopter. En vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y'a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si la verse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse nous touche, toi et moi, prends ma main, dis branle-la. Même sans le Ça fait mal, mais je tourne la page. Je suis tentée, je dois l'avouer. Je pensais à nous tous les jours. C'est logique, y'a aucun retour. Tout ça, c'est relou, yeah. Parfois, je suis dans l'excès. Ma folie me joue des tours. Je sais même pas pourquoi. Je voulais pas y croire. C'était notre histoire. On est devenus si distants et c'est le J'ai donné mystère. Mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, ça m'arrivera plus jamais. J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné. Lately, I've been holding on to things you said. Heartbreak's a dark place. Shouldn't have to be this busy. If I give you space, someone's gonna take my place. All because of my mistakes. Girl, I gotta say this, don't think I J'ai can donné take mon this. Cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, ça m'arrivera plus jamais. J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Je me prends vu à tête. C'était le destin, t'étais mon moteur. T'es plus à la hauteur. Booster, t'es plus à la hauteur. Booster. C'est ton père pour un tox. Courez, courez, elle prend de l'ampleur. Elle tourne autour de toi, la rumeur. Elle court de bouche en bouche, de porte en porte. Tu appuies sur une touche et elle s'exporte. Courez, courez, elle adore faire peur. Entre du doigt la rumeur. Un poste à midi, un flash à 20h. C'est un chuchotement dans un haut-parleur. Parle déjà de toi, la rumeur. Balance. So we just listened to Vianney with Beau Papa, Aya Nakamura featuring Stormzy with Plus Jamais, and Calogero with La Rumeur. Now we will listen to Jean-Louis Murat with Si Je M'Attendais, If I Had Known, Jeanne Masse with Cruel, Cruel, and Luan with Désolé, Sorry. Aux sources de la loupe, je ne sais quoi, j'attendais sans doute le début du monde. Troubadour rêvassait, je ne sais quelle mélodie sort long. Comme se levait l'aurore sur la barre des écrins, dans sa robe de safran, je t'en donne ma main. Au ciel encore étoilé, j'entends. Oh vous, si je m'attendais, cher vous, amour, je suis venu pour toi. Jurant par Périclès dans le fond du jardin, en demandant l'addition, chaque soir aux pyramides, quand chantonne Francky, je t'attends. Rêvant vers les marmottes, comme il est interdit, quelque part à Saint-Tropez, nu au bain de minuit, sortant de la flotte qui m'a dit. Si je m'attendais, cher vous, amour, je suis venu pour toi. Bonjour toi. Qu'il est bon de t'aimer au cœur des nuits d'été. Voudrais-tu me dire ton nom? Je cherche ton secret au cours des longues nuits. Plongeons dans la rivière, miroite le désir. Quelle belle et bonne vie. Chaque nuit sous la neige, couronnée d'or, mamie me dit. Oh vous, si je m'attendais. Je suis venu pour toi. Perfide remise en liberté, je me retrouve. Avant qu'on s'abîme, on était bons amis. C'est pas où qu'on signe, c'est pas où qu'on fuit. Trop de mots d'amour, d'imbéciles, tellement de signaux indécis. Moi j'ai pas grandi, c'est pas où qu'on vit. Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas. Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, je le pensais pas. J'aurais dû crier, crier, désolé, mais je t'ai laissé faire tes valises, tu ne t'es pas retourné. J'aurais dû crier, crier, je suis désolé, j'aurais dû arracher ta chemise, pas te laisser tomber. Avant les combats, avant qu'on s'égare, je jure que par toi, je t'ai aimé sans crier gare. Poison à la colère, la douleur je la prends, je la serre. J'ai perdu l'or et la joie, fallait pas mettre hors de moi. Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas. Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, je le pensais pas. J'aurais dû crier, crier, désolé, mais je t'ai laissé faire tes valises. Jean-Louis Murat with Si je m'attendais, Jeanne Mas with Cruel, and Luan with Désolé. Jazz is an evolving language with deep roots and sprawling branches. representing each root and branch as a unique culture and amalgamated with a whole of it. Jazz diaspora is a reflection of this family tree, loosely called jazz. Improvisation and soul-searching in jazz, blues, funk, rock, African, Latin, and more. Come celebrate America's music in the world and the world's music in America. Me, Corey Washington, every Saturday from 1 to 3, streaming online on KFAI.org and via KFAI mobile app. So the last series is with Vianney, with his song Merci pour ça, thanks for that. Calogero with Celui d'en bas, the one downstairs or on the bottom. And Amir with La fête, the party. Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés. Il y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer. Moi je garde nos images que je regarde souvent. Avant de tourner la page, faut le vouloir finalement. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Les gens qu'on ne regarde pas sont des livres jamais lus. Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu. T'étais pas parfait peut-être, mais tout est à l'imparfait maintenant. Tu es de ceux qu'on regrette, parfois génial, parfois gênant. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Vagabond errant, une feuille dans le vent. J'étais qu'un demi-moi avant toi, avant toi, avant toi, avant toi. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi, je ne voyais rien. habiter dans les jolis quartiers, là où glissait la glycine, le long des allées désertes et bordées de villas. La ville était vide et c'était l'été. On allait à la piscine ou dans les cafés. Je l'aimais, je crois, tu vois. Et on rentrait le soir avant que nos adresses nous séparent. Le patron te fait la misère, c'est rien. T'as le moral sur une civière, c'est rien. T'es encore fatigué d'hier, c'est rien. On réfléchira demain, tant pis pour le cœur à moitié vide. Tant que des potes, on en a plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. Au pire, on l'a fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite. La nuit est notre maison. Tu peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse. Viens, on se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la vanne. Havana, oh nana. On histoire d'amour bas de l'air. C'est rien. Dans ton café t'as mis du sel. C'est rien. T'es trop petit pour toucher le ciel. C'est rien. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous nés pour faire la fête. Comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite. On a presque plus rien à boire. Mais on est là. Le bar va fermer, tout est noir. Mais on est là. On continue sur le trottoir. Mais on est là. Hey. On est là. Mmh. On est là. On va encore rentrer trop tard. Mais on est là. Je crois que j'ai un œil au beurre noir. Mais on est là. J'ai encore cassé ma guitare. Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir. Oh, on est tous nés pour faire la fête. Comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite. We just listened to Vianney with Merci pour ça, Calogero with Celui d'en bas, and Amir with La fête. All right, well that's all for tonight. Thank you very much. Thank you for listening. Stay tuned for Balkan Jamboree with Nikolai. And exactly. We'll be here again next week with tributes to all the artists and other celebrities who passed away in exactly. 2020. And keep listening to KFAI on kfai.org. And now we have the new frequencies also. So if you go to the website or to the application, you can listen to either the regular KFAI or the irregular audio or mm-hmm. FA2 or the middle, which is called the undead stream on kfai.org. So the undead is the middle, mm-hmm. any kind of metal music. Sounds good. Yeah. No pun intended. No. Sounds good. And yeah. And French Influences is also every Thursday at 12 on the irregular. FA2. Yeah. Yeah. All right. Well, à la semaine prochaine. Take bonne care soirée. And again, bonne année à tous. Bonne année. I'm Nikolai and you're with Balkan Jamboree live right here from the studio of KFAI.